vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et du gaspillage alimentaire, on va glisser vers la maladie de la vache folle, qui pour d'autres raisons a aussi causé un énorme gaspillage. La vache folle a causé bien des maux de tête, c'est le cas de le dire d'ailleurs, au cours des années 1980-90, des millions de bovins ont été abattus, de nombreux embargos ont aussi été imposés et conséquemment, les farines animales ont été interdites comme source de nourriture pour les bovins. Alors tout d'abord, c'est évidemment le sujet de la chronique. Oui. Christiane Dupont, bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Donc tout d'abord, dis-moi, vache folle, encéphalopathie. Ah, il faut bien le dire, c'est ça. Dur à dire. Par quoi est-ce causé exactement? Pourquoi tant d'émoi aussi avec cette maladie? Oui, bon, on va commencer par la vache folle et puis on va pouvoir comprendre après pourquoi on parle des cerfs aujourd'hui, des cervidés. C'est parce que la vache folle, en bon français, est causée par un agent pathogène qui est particulier, qui s'appelle le prion. Donc, c'est pas un virus normal, c'est pas une bactérie, c'est autre chose. C'est quoi? C'est un type d'agent pathogène de nature protéique. C'est un genre de protéine et non pas un virus. C'est vraiment une classe à part qui va quand même pouvoir se répliquer. C'est ça qui est curieux, hein? C'est la particularité. Exactement. Et contrairement aux agents infectieux conventionnels, comme je disais, les virus, les bactéries, les parasites, le prion est exempt d'acide nucléique, donc d'ADN ou d'ARN. Donc, il fonctionne différemment. Il n'y a pas un support, une information qui dit « bon, mais tu te multiplies avec de l'ADN normal, comme la vie, entre guillemets, normale. Mm-hmm. » Donc, c'est vraiment un type qui a été… Ça fait pas très longtemps qu'on en connaît l'existence et c'est très dur à gérer à cause de cette nature particulière-là. Mm-hmm. Les prions chez les mammifères, il y en existe pour les plantes, il y en existe pour toute la vie, mais chez les mammifères, ils causent des encéphalopathies. Encéphale vient le cerveau, la tête. Spongiforme transmissible. Spongiforme, on appelle ça parce que dans le cerveau, ça finit par causer des cavités et une image du cerveau, ça a l'air un peu comme une éponge. Ouais. Chez l'homme, les prions peuvent causer la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est la maladie de la vache folle équivalente chez l'homme. Mm-hmm. Et il y a d'autres maladies très rares, dont l'insomnie familiale fatale. Environ 100 personnes dans le monde seulement souffrent de cette maladie. Et c'est un prion qui, dans le cerveau, finit par t'empêcher de dormir et tu meurs de ne pas pouvoir dormir. Ah, c'est ça a l'air horrible, franchement. Oui. Je disais là-dessus, ça a l'air horrible. Et le courroux, qui est une maladie qui existe, je crois, je ne vais pas me tromper, dans des tribus, je crois, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois, où ils avaient l'habitude de manger le cerveau des morts. Et puis, c'est du cannibalisme, et ils mangeaient donc le prion dans le cerveau et développaient une maladie. Chez les animaux, il y a la tremblante du mouton, qu'on a peut-être déjà entendu, l'encéphalie spongiforme bovine, qui est la vache folle, et la maladie débilitante chronique du cervidé. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement. Toutes ces maladies-là, c'est une dégénérescence du système nerveux central, donc qui est essentiel à la vie. Ça crée des vacuoles dans l'encéphale, ça tue les neurones et finalement, on meurt. Mais pourquoi donc cette maladie, la maladie débilitante chronique, tu viens de dire, crois? La MDC pour les intimes. MDC. Et pourquoi est-ce que c'est préoccupant? Elle est préoccupante parce que cette maladie-là, elle est chez des animaux sauvages. Donc, contrairement à la vache folle qui était problématique dans des gros élevages très denses de bovins, la MDC est apparue en 1967 dans un centre de recherche chez les cerfs et les cerfs mulets au Colorado. Donc, ils ont commencé à voir que des cerfs avaient une perte de poids, des comportements erratiques, il y avait un dépérissement, ils mouraient. Ils se sont dit « wow, il y a quelque chose qui ne marche pas ». La maladie, c'est débilitante chronique causée par les prions, a commencé par continuer à se répandre en captivité et finalement s'est retrouvée chez des cerfs et des wapitis sauvages dans les années 80. Donc, et il y a un temps d'incubation très long chez ces animaux-là, donc ça peut être détecté, mais c'est seulement la pointe de l'iceberg. C'est difficile de connaître l'ampleur de tout ça. Aujourd'hui, cette maladie-là est présente chez les animaux sauvages, les cerfs, les cervidés, dans 18 États américains et 2 provinces canadiennes. Je crois que c'est le Manitoba, et la Saskatchewan et l'Alberta, je crois. Donc, c'est très dur d'évaluer l'étendue de cette maladie-là. C'est des animaux sauvages qui vivent dans un endroit reculé. C'est hors de vue, ça peut être tué par des prédateurs, pas toujours par des humains, donc c'est difficile. Mais j'imagine que les animaux sauvages ont bien d'autres maladies aussi. Oui, exactement, donc c'est dur de faire le... Oui, c'est ça. Donc... Qu'il y ait juste ça et qu'il n'y ait pas d'autre chose. Donc, c'est et comment elles se propagent? Elles se propagent d'une manière... ils ne sont pas encore certains de toutes les techniques de propagation, mais ça peut même passer d'un animal qui en renifle un autre seulement. Parce qu'il y a beaucoup de prions dans la salive. probablement aussi par l'urine ou par les déjections, les placentas. Mm-hmm. Autre problème aussi, les prions peuvent rester virulents dans la nature pendant une très longue période, probablement des années. Ah, oui. Alors, contrairement aux bactéries ou aux virus, qui ouais. souvent, un virus a un temps de vie hors de son ouais. milieu très, très court parce ouais. qu'il n'y a pas de protection, pouf, il se défait. Bactéries aussi, mais les prions, de par leur nature, peuvent rester très longtemps dans le milieu ambiant, oui. à l'extérieur. Et... Oui, pendant très longtemps. Mm. Donc, c'est des effets qui sont difficiles à prévoir à long terme, mais il y a déjà des populations diminuées dans certaines régions américaines. Ah ouais. Oui. Mais c'est ça, donc j'en reviens. Bon, il doit bien y avoir bien d'autres maladies qui affectent la ouais. faune et on s'en préoccupe pas spécialement oui. ces oui. autres maladies-là. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on se préoccuperait particulièrement de cette maladie? De cette maladie-là, c'est parce que ce serait pas seulement pour les cerfs, mais ça serait aussi pour les wapitis, les orignaux, les cerfs de Virginie, les cerfs mulets et peut-être les caribous. Donc, ce serait ouais. une grande menace. Et parce que c'est une espèce qui est menacée, qui est plus oui. vulnérable. Oui, qui est déjà vulnérable. Et puis, je vais aller à la fin, c'est que l'humain, en bout de ligne, pourrait être touché par ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, si les populations diminuent, la chasse est diminuée. Je m'éloigne du micro. Si les troupeaux sauvages diminuent, ça affecte la chasse, le tourisme, la santé. Ah. Donc, il y a beaucoup d'implications ouais. à ce niveau-là. Donc, déjà, la maladie progresse vers le nord. Il ne faut pas oublier que les recensements, comme je disais, il y en a qui font des études, ils font des biopsies, tout ça. C'est la pointe de l'iceberg. Et puis, si, par exemple, des hardes de cerfs contaminés croiseraient des caribous, ça arrive dans le nord du Canada, à un moment donné, au niveau des latitudes, ils peuvent se croiser. Les caribous ont une valeur inestimable pour les peuples autochtones, pour la chasse, donc ça aurait de grandes répercussions. Mm-hmm, Et puis, les humains. Aussi, effectivement, il faut penser à nous là-dedans. Ça affecterait la chasse et peut-être notre santé. On ne sait pas si cette maladie-là pourrait être transmissible en consommant la viande ouais. parce que les prions sont très résistants à la chaleur. À 60 degrés, une viande cuite ne détruit pas les prions. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention. Ouais. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y avait des humains qui avaient été affectés par qui avaient attrapé la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob, en mangeant du bœuf contaminé par la vache folle, c'est ouais. possible. Donc, c'est déjà quelque chose. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, d'ailleurs, indique que si cette maladie-là est retrouvée au Québec, à un moment donné, il n'y en a pas encore au Québec, mais ça se pourrait que ça arrive dans les prochaines années. Il pourrait interdire l'appâtage, diminuer les populations pour éviter une plus grande concentration. Déjà, c'est interdit de ramener des cerfs qui ont été chassés à l'extérieur du Québec. Et ne pas rapporter au Québec, pardon, le système nerveux, les glandes, il y a des lois qui ont été... Ah oui? Ouais. OK. Ouais. Et est-ce qu'il y a des solutions pour le futur? Est-ce qu'on peut les vacciner? Ben justement, c'est sûr que l'idée, c'est la protection avant ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très protectionniste, justement, pour faire entrer des animaux qui ont été abattus ailleurs, aux États-Unis, par exemple, au Québec, parce que là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a une équipe à l'Université de Saskatchewan qui travaille à développer un vaccin, mais c'est un très gros défi parce que comment donner un vaccin à une population sauvage qui est étendue partout au Canada, c'est très difficile. Mm-hmm. Donc, ça reste un très gros défi. C'est tout ce qu'on peut Puis peut-être même qu'un vaccin contre un prion, on ne sait peut-être pas vraiment faire ça non plus. Exactement, parce que je crois que ça n'existe pas non plus chez l'humain. Ouais. Ils travaillent là-dessus, mais il n'y a pas encore de solution. Donc, c'est question d'être sensibilisé pour l'instant. Ouais, j'imagine, au courant que ça existe. J'imagine qu'il y a un suivi par le mRNF ouais. pour surveiller un petit peu la faune. Les ressources limitées, ouais, tout ça reste ouais. quand même un beau gros défi, je crois. Bon, je pense que tu nous as fait découvrir quelque chose. Oui. Il ne faut pas manger du cerf cru. Non, il ne faut pas avoir peur. Il n'y en a pas au Québec. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Merci, Christiane, parce que je pense qu'on n'était pas spécialement au courant de cette maladie qui pouvait aussi, cette maladie cousine de la vache folle qui pouvait se propager effectivement dans la faune, les cervidés principalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on va faire maintenant une pause publicitaire. Vous écoutez CKRL au 89.1.